Timo na bicie. Hola, yo soy Redito, tu osito cariñoso. Si, comprende? Chupa, chupa. Gdzieś na gorącej bibie w Łodzi lub dalej. Spotkałem kiedyś taką lalę. Wygląd supermodelki, zakres słów miednych. Gdy otworzyła usta, mówiła o jednym: jesteś rapstar, daj mi klapsa. Weź mnie do hotelu, a pojadę na maksa. Głupia dziwko, miał cię już prawie każdy. W zeszłym tygodniu też grałem tu raz gwiazdy. Chcesz na backstage'u szybki lalipap? Przylansować się, liznął fejmu smak. To metafora, spukany gołąb. Powiedz mamie, czemu rano usta cię bolą. Zero szans na bounce ze spinaczem. Szanuj siebie i spadaj, ja widzę to inaczej. Chłoniesz wszystko jak bermudzki trójkąt. Grr, grr, grupi, stop, czuj to. Quelque mois auparavant, j'kiffe les pigeons. Mais depuis que j'ai ma meuf, je chie sur ses mochons. Groupi de backstage, chatin rasé. Mascara, picone, j'en ai la nausée. Osez, s'approcher de dev, pas j'suis à la télé. Superstar, 37h, tu te touches à 20h. Te chahote, tes jambes écartées, j'te connais par cœur. Salope, tu pourrais attendre toute la nuit pour me sucer. Et dire à tes binko, yo j'sors avec Héroné. Oh oh, non non, n'agarde pas ton cas. Car t'as déjà sucé trop de bites de peura. J'suis peut-être mytho, mais toi t'es norpho. Ton cerveau c'est ton clito, voilà mon info. Super modèle, look artificiel. T'as pas de classe bébé, tu pues comme Coco Chanel. Silicone dans tes mamelles, poupée gonflable. Tes lèvres sur mon sob sont désagréables. Tu mens comme tu respires, te lâche mon starlet. Première à se faire enculer par un mec en corvette. Tu pues, t'es sale, cherche-toi une autre gamelle. T'es qu'un pigeon salope, ta place c'est la poubelle. Hey muchacha, chupamela. Perga, you rub my pee-pee, I rub your teta, I love your teta, you rub my pee-pee. Grupi, ey muchacha, chupame la perga, you rub my pee-pee, I rub your teta, I love your teta, you like my pee-pee. Use grupi. J'ai niqué des mannequins, des meufs de toute race. New York, London, même des putes en Alsace. Des meufs de 17 ans, des mamans trop chaudes. Des orgies de minuit qui duraient jusqu'à l'aube. Des boricuas, chupame la perga. Même une allemande qui s'appelait Helga. Les italiennes sont des chiennes, les norvégiennes aussi. Les françaises, quant à elles, te donnent tout de suite la possi. Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai le redeem. Car dans le cul, playboy, j'ai le sacline. Et je hais les meufs froides comme la Suisse. Qui après deux semaines te donne juste un kiss. Donne-le à Tarkan, ici c'est Red. Tu connais mon AKA, mais ce wicked in a bed. Donne-le à Tarkan, ici c'est Red. Red, Red, mais ce wicked in bed. Hey muchacha, chupame la perga. You rub my pipi, I rub your teta, I love your teta, you like my pipi. Grrrr, hey muchacha, chupame la perga. You rub my pipi, I rub your teta, I love your teta, you like my pipi. Grrrr, yeah, what's up, me if Snoopy? Yeah, it's John Spina, it's John Yoko. Hi, it's Jeffrey. Yavol. Yeah. El cojones. Playa, señorita. Groupie. Leave a mark on the kitty. Yeah. I'm from Warsaw. Yeah? I am from Warsaw, Praga. Muchacha, chupame la verga. Yo.